Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion, vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 18 mai et nous souhaitons tout d'abord une bonne fête au Eric, ça vient du latin noble souverain. Eric est un garçon viril, dynamique et entreprenant. Il possède un charme certain dont il a tout à fait conscience. Plutôt matérialiste et intéressé, il sait saisir les opportunités qui s'offrent à lui. C'est souvent un excellent financier qui aime le monde des affaires. Sa force de persuasion est importante lorsqu'il désire quelque chose, il fait preuve de détermination et d'obstination. Il a beaucoup d'énergie et a besoin d'exercice physique, sans quoi il deviendrait vite assez agressif ou prendrait de l'embonpoint. Quelque peu vaniteux, il est sensible à la flatterie. Même s'il a l'esprit vif et critique, il n'a pas toujours le sens de l'humour et sa susceptibilité est grande. Particulièrement curieux, il s'intéresse à des sujets divers qu'il n'approfondit pas toujours, d'où un côté superficiel et une quête de la facilité. Il a confiance en lui, fait même parfois preuve d'autosatisfaction, ce qui lui permet de réussir assez facilement. Peu importe s'il n'achève pas ses études par manque de motivation, il est de ceux qui sauront toujours se débrouiller. Il dit avoir une bonne moralité et des principes, mais ce sont souvent des vœux pieux qu'il n'applique pas systématiquement. Il possède une intelligence pratique ainsi qu'une dextérité manuelle au-dessus de la moyenne et peut être un excellent bricoleur. Et nous fêtons également aujourd'hui les Coralie, ça vient du grec signifiant jeune fille. Coralie est une femme charmante, douce et agréable de contact, même si elle se montre introvertie, prudente et souvent méfiante de prime abord. Son émotivité est forte et sa sensibilité épidermique au point de la rendre assez vulnérable au moindre traumatisme affectif. Elle tend donc à se préserver, ce qui ne l'empêche pas d'être généreuse et très facilement concernée par les autres. D'une grande plasticité émotionnelle, facilement heurtée et blessée par la vie, Coralie peut se réfugier parfois dans des rêveries ou des chimères, plus ou moins irréalistes ou utopiques. Être attirée par le merveilleux, le fantastique, voire les paradis artificiels. Souvent concernée par sa famille et les responsabilités qui en découlent, Coralie fait facilement abstraction d'elle-même. Dicton du jour, soleil à la Saint-Éric promet du vin plein les barriques. À la Sainte Coralie, tous les lilas sont fleuris. Célébration internationale. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des musées. C'est la journée mondiale du vaccin contre le sida. En Haïti, c'est le jour du drapeau et en Somalie, c'est la fête de l'indépendance. Ça s'est passé un 18 mai en 1643. Anne d'Autriche devenait régente de France. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale avec le chanteur George Strait et son titre Troubadour. Still feel 25 most of the time. I still raise a little cane with the boys. Honky tonks and pretty women, Lord, I'm still right there with them, singing above the crowd and the noise. Sometimes I feel Jesse James, still trying to make a name, knowing nothing's gonna change what I am. I was a young troubadour when I wrote in on a song, and I'll be an old troubadour when I'm gone. The truth about a mirror is that a damned old mirror don't really tell the whole truth. It don't show what's deep inside or read between the lines, and it's really no reflection of my youth. Sometimes I feel Jesse James, still trying to make a name, knowing nothing's gonna change what I am. I was a young troubadour when I wrote in on a song. I'll be an old troubadour when I'm gone. I was a young troubadour when I wrote. when I'm gone. Le chanteur George Strait sur RGM, 8h36, tout juste passé de quelques secondes. On va parler maintenant anniversaire. Ils sont nés un 18 mai 1933, naissance de Bernadette Chirac, femme politique française et épouse de l'ancien président Jacques Chirac. 1936, naissance de Popek, humoriste français. 1952, naissance de George Strait, chanteur américain de musique country. 1960, naissance de Yannick Noah, ancien joueur de tennis, converti en chanteur français. Il a fait sa carrière de joueur de 1978 à 1996. Il a été en simple numéro 3 mondial, c'était en 1986. Il a gagné une fois Roland Garros et il reste d'ailleurs toujours à ce jour le dernier français à avoir remporté le tournoi de Roland Garros. Il a été demi-finaliste à l'Open d'Australie, quart de finaliste à l'US Open et 16e de finaliste à Wimbledon. En double, il a été numéro 1 mondial en 1986. Il a remporté une fois Roland Garros, il a été une fois finaliste à l'US Open, quart de finaliste à Wimbledon et 16e de finaliste à l'Open d'Australie. En Coupe Davis, il a été finaliste en 1982. Il est devenu ensuite capitaine de Coupe Davis, tout d'abord dans les années 90, où il a d'ailleurs mené la France à la victoire en 1991 et 1996. Il a été également capitaine de Fed Cup, avec laquelle il a remporté le titre en 1997. Et il est revenu il n'y a pas si longtemps que ça au poste de capitaine en Coupe Davis, c'était il y a 2-3 ans maintenant, et il a remporté, on s'en souvient, à la Coupe Davis en 2017, et avec la Fed Cup, il est revenu au poste de capitaine. Elles ont échoué en demi-finale cette année, on s'en souvient, c'était contre les États-Unis, et d'ailleurs Yannick Noah ne sera plus capitaine de la Fed Cup et ni d'ailleurs de la Coupe Davis. 1970, naissance de Tina Fey, actrice américaine vue dans Lolita malgré moi, la série télé 30 Rock, dans le rôle de Liz Lemon, où elle est également créatrice, scénariste et productrice exécutive. 1980, naissance de Michael Yodra, ancien joueur de tennis français qui a fait carrière de 1999 à 2014. En simple, il a été 21e mondial en 2011, 8e de finaliste à Roland Garros, Wimbledon, l'US Open et 16e de finaliste à l'Open d'Australie. En double, il a été numéro 3 mondial en 2011. Il a gagné deux fois l'Open d'Australie, une fois Wimbledon, deux fois finaliste à Roland-Garros et demi-finaliste à l'US Open. Et aux Jeux Olympiques, il a remporté la médaille d'argent en double en 2012. Et en Coupe Davis, il a été finaliste en 2010. 1985, naissance de Vincent Jay, ancien biathlète français qui a fait carrière de 2002 à 2012. Qui compte deux médailles olympiques au JO de 2010 à Vancouver, un titre en sprint, devenant d'ailleurs ainsi le premier français à remporter un titre olympique sur ce format de course, et une médaille de bronze en poursuite. En Coupe du Monde, il compte 14 podiums, dont deux victoires individuelles à Vancouver et deux victoires collectives en relais. 1986, naissance de Kevin Anderson, joueur de tennis sud-africain professionnel depuis 2007. Meilleur classement ATP, la 7e place atteinte le 14 mai 2018. Il a été une fois finaliste à l'US Open, 8e de finaliste à l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon. C'est également l'année de naissance de Sabrina Delannoy, ancienne footballeuse française, qui a fait carrière de 2003 à 2017. Alors de 2003 à 2005, elle a joué à Clairefontaine et de 2005 à 2017, elle a joué au Paris Saint-Germain, club avec lequel elle a été vainqueur de la Coupe de France en 2010 et finaliste de la Ligue des Champions en 2015 et 2017. 1988, naissance de Kevin Reza, cycliste sur route français, qui a notamment été champion de France du scratch en 2015. 1989, naissance d'Eugénie Le Sommer, footballeuse française qui de 2007 à 2010 a joué au Stade Briochin et depuis 2010, elle joue pour l'Olympique Lyonnais, club avec lequel elle a été vainqueur du championnat de France en 2011, 12, 13, 14, 15, 16 et 17, à 7 reprises donc, vainqueur de la Coupe de France à 6 reprises en 2012, 13, 14, 15, 16 et 17 et vainqueur de la Ligue des Champions à 4 reprises en 2011, 2012, 2016 et 2017. 2017. En 1995, décédée Elizabeth Montgomery, actrice américaine célèbre pour son rôle de Samantha dans la série télé Ma sorcière bien-aimée. Et en 2017, décédé Chris Cornell, chanteur américain. On écoute tout de suite Yannick Noah avec le titre sur lequel il a fait danser suite à la victoire de la France en Coupe Davis, Saga Africa. Mais venez, allons, ambiance et ambiance, sous-pousse, ambiance, Makossa ou l'ambiance, Ubikuti, ambiance, Asiko, mouvement, partout et mouvement, droite, mouvement à gauche, roulement de Pecos, direction à l'hôpital, docteur, c'est mauvais, attention, action. Saga Africa, ambiance de la brousse, Saga. Saga Africa, ambiance de la blouse. Saga Africa, attention les secousses. Un peu bangal, mais c'est bon, mouvement de hanche, ah, mouvement bangal, attention, le type là est trop, trop, trop dangereux, viens ma soeur, fillon, l'affaire est très grave, attention ma soeur, attention, attention, action. Saga Africa, ambiance de la blouse, Saga Africa, attention les secousses, Saga Africa, ambiance de la blouse. Yannick Noah pour Yado Cameroun avec les lions indomptables. Nos chronos dégagent, suppositoire de l'attaque adverse. Dégagement multidirectionnel donc chrono. Les défenseurs voient complètement flac. François Omandi, Amoti, Église insolent. Le solo et lance Mila, au bombe de Mila. Dribble là-bas, un dribble sorti tout dans le laboratoire footballistique des Judy. L'affaire est grave, il tire un goal, il y est. Saga Africa, Yannick Noah sur le 107 FM. Il est presque 8h45 et il est temps pour nous et bien tout de suite de parler météo. La météo. Alors, pour l'instant, il y a un petit peu de brouillard et de nuages dans le ciel, mais ceux-ci vont vite se dissiper pour laisser apparaître le soleil qui devrait être parmi nous tout au long de cette journée. Des températures comprises entre 9 et 10 degrés ce matin, entre 17 et 19 degrés cet après-midi. Pour samedi, cela devrait être une belle journée ensoleillée également. Des températures comprises entre 7 et 8 degrés le matin, entre 18 et 20 degrés pour samedi après-midi. Et pour dimanche, ce sera plutôt mitigé. Alternance, d'éclaircies et de pluie, des températures qui devraient être comprises entre 10 et 11 degrés le matin et entre 19 et 20 degrés prévues pour dimanche après-midi. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on va commencer avec le cyclisme et le Tour d'Italie. L'étape d'hier a été remportée par Bennett. Le premier Français, c'est Clément Venturini qui s'est classé 8e devant un autre Français, Sénéchal, 9e. Un mot de hockey sur glace maintenant avec les championnats du monde. Hier ont eu lieu les quarts de finale. Le Canada s'est qualifié 5-4 après prolongation face à la Russie. Les champions olympiques en titre se sont donc inclinés. Les États-Unis se sont qualifiés 3-2 face à la République tchèque. La Suède s'est qualifiée 3-2 face à la Lettonie. Et alors la surprise vient de la demi-finale Finlande-Suisse, où ce sont les Suisses qui se sont qualifiés 3-2. Samedi, ce seront les demi-finales. Tout d'abord à 15h15, il y aura un Suède-États-Unis et suivi à 19h15 d'un Canada-Suisse. En NHL, cette nuit, Tampa Bay a égalisé à 2-2 dans cette série face à Washington en s'imposant 4-2. Un mot de basket en Pro B ce soir, Nancy se déplace à Aix-Maurienne. Un mot de football avec la liste de Didier Deschamps. Ça y est, le suspense est enfin terminé. Il a dévoilé la liste des 23 joueurs retenus donc pour la Coupe du Monde. Alors, gardiens de but sont retenus Hugo Lloris, Steve Mandanda et Alphonse Areola. En défenseur, Lucas Hernandez, Prenel Kimpembe, Benjamin Mendy, Benjamin Pavard, Adil Rami, Djibril Sidibé, Samuel Umtiti, Raphaël Varane. Milieu de terrain, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Steven Nonzi, ça c'est la petite surprise signée Didier Deschamps, Paul Pogba et Corentin Tolisso. Et alors côté attaquant, sont retenus Ousmane Dembélé, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Thomas Lemar, Kylian Mbappé et Florian Thauvin. Et dans la liste, on peut voir qu'il n'y a pas Dimitri Payet, je vous en parlais justement hier, malheureusement, suite à sa blessure en Europa League. Et bien, à mon avis, voilà, c'est ce qui a fait que Didier Deschamps ne l'a pas retenu. Il a retenu également 11 suppléants, 11 joueurs qui seront appelés si toutefois les titulaires ont des problèmes. Alors, ces suppléants sont Benoît Costil, Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Mathieu Debuchy, Lucas Digne, Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Adrien Rabiot, Mamadou Sakho, Moussa Sissoko et Kurt Zouma. Voilà donc pour la liste de Didier Deschamps. On va faire un point sur les matchs de la Ligue 1 qui auront lieu demain soir. Caen recevra le Paris Saint-Germain, Dijon, Angers, Lyon, Nice, Marseille, Amiens, Metz, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Rennes, Montpellier, Saint-Étienne, Lille, Toulouse, Guingamp et Troyes, Monaco. Et du côté de chez nous, ça se passera samedi en National 2. Épinal se déplacera à Le Puy et Raon-l'Étape recevra le club d'Annecy. Allez, on termine cette actualité avec le tennis et le tournoi de Rome. Et côté messieurs, il n'y a plus de Français en compétition après l'élimination de Benoît Paire en 2-7 face à Marin Cilic, 6-3, 6-4. Fonini s'est qualifié en 2-7 face à Gojovzik. Raphaël Nadal s'est qualifié en 2-7 face à Chapovalov, 6-4, 6-1. Djokovic s'est qualifié en 2-7 face à Ramos Vinola, 6-1, 7-5. Nishikori s'est qualifié en 2-7 face à Kohlschreiber. Goffin a bénéficié de l'abandon de Del Potro pour se qualifier. Et enfin, Alexander Zverev s'est qualifié en 2-7 face à Edmund. Au programme d'aujourd'hui, Nadal sera opposé à Fonini, Djokovic à Nishikori, Goffin à Alexander Zverev et Karin Obusta affrontera Cilic. Et du côté féminin, Caroline Garcia s'est qualifiée en 2-7 face à Stephens, 6-1, 7-6. Kontaveit s'est qualifiée en 2-7 face à Venus Williams, Wozniacki s'est qualifiée en 3-7 face à Sevastova, Svitolina qualifiée en 3-7 face à Gazatkina. Maria Sharapova s'est qualifiée en 2-7 face à Gavrilova. Ostapenko s'est qualifiée en 3-7 face à Konta. Simona Halep s'est qualifiée sans jouer puisqu'elle a bénéficié du forfait de Keys. Et Kerber s'est qualifiée en 2-7 face à Sakkari. Aujourd'hui, Garcia aura un gros match à disputer face à Simona Halep. Ostapenko affrontera Sharapova. Kerber se repose à Svitolina et Wozniacki à Kontaveit. Voilà pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec le chanteur Chris Cornell et la musique du film James Bond Casino Royale. won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes I've deceived. Cornel sur RGM. Presque 8h55, c'est déjà l'heure de se dire au revoir, mais avant de se quitter, on va faire un petit point sur ce qui vous attend aujourd'hui. Alors, de 9h à 9h30, il y aura un épisode de Ours et Carottes, de 10h à 10h30, un deuxième épisode d'Ours et Carottes. 13h30, la rediffusion de la chronique BD avec Camille. 14h, J'aime et je vous le lis avec Dominique. 15h, rediffusion de Jazz Time qui nous vient de Radio Déclic. 18h, l'heure des loups avec Lou. 21h, ce sera soit Vincent, soit François. Et nous, on se retrouve mardi prochain, même heure, même endroit. Je vous souhaite un excellent week-end. Ciao, bye bye.